رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة. عباد الله، إن الله حكيم عليم، إن الله حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره، ويخلق ما يشاء من الآيات ويقدرها تخويفا لعباده، وتذكيرا لهم بما يجب عليهم من حقه سبحانه وتعالى، وتحذيرا لهم من الشرك والبدع والمعاصي. الله مي فخير سوخ الله لي لو ساج il sait bien les lois qu'il établit et ses ordres qu'il donne. Il est transcendant, subhanahu wa ta'ala. Il est le transcendant qui crée les signes, subhanahu wa ta'ala, qui lui plaît, et les gens de façon à faire peur ses serviteurs, et à leur rappeler leurs devoirs, et à avertir contre le polythéisme, contre les innovations et les péchés. يقول ربنا جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الآية. Allah عز وجل dit d'après le sens. Et nous n'envoyons des miracles qu'à titre de menace. Takhwifan. Wa qala rabbuna jalla wa ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq al-aya. Nous leur montrerons, il dit Allah Azza wa Jalla d'après le sens, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à que la vérité leur soit parvenue. ويقول ربنا جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. الآية يجي سبحانه وتعالى il est capable lui de susciter contre vous d'en haut en dessous de vos pieds un châtiment ou de vous confondre dans un sectarisme, dans le sectarisme. Et il vous fait goûter de l'ardeur les uns les autres. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله عن مجاهد رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال رحمه الله مجاهد هي الصيحة والحجارة والريح. الصيحة والحجار والريح أو من تحت أرجلكم. قال رحمه الله الرشفة أو الرشفة والخصف. Le châtiment, dans le tafsir de ce verset-là qu'on a mentionné, dit il est capable de susciter contre vous, d'en haut ou d'en dessous, un châtiment. Il dit Mujahid رحمه الله dans son tafsir, c'est-à-dire au-dessus d'eux, c'est les cris, صيحة, un cri, une terreur. Les pierres qui tombent du ciel, le vent, les ouragans et autres. Et en dessous de vous, tahta arjulikum, yani, c'est les tremblements de terre, l'engloutissement. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yaqulu Sheikh Abdel Aziz Ibn Baz rahimahullah anna zalzalata min jumlati al-ayati التي يخوف الله به بها عباده وكل ما يحدث في الوجود من الزلازل وغيرها مما يضر العباد ويسبب لهم أنواعا من الآذى كله بأسباب الشرك والبدع والمعاصي. يجي شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. Les tremblements font partie des signes d'Allah Azza wa Jal. Les tremblements de terre, mes frères et sœurs, font partie des signes d'Allah Azza wa Jal, à travers lequel Allah Azza wa Jal fait peur ses serviteurs. Tout ce qui se passe dans l'univers et sur terre, na'am, et d'autres phénomènes nuisibles à l'homme et porteurs de dommages est dû à l'association, les péchés et les innovations. Wa kama qala rabbuna jalla wa ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Il dit, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, est dû à ce que tu as fait de tes propres mains. Et il pardonne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbuna jalla wa ala, fa kullan akhadna bidhanbihi, fa minhum man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard. ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل dit d'après le sens dans un autre verset, nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en a à qui je les ai noyés, d'autres, hein, Allah, je leur ai envoyé un ouragan. Il y en a eu où il y a un cri qui les saisit, d'autres se sont fait engloutir sous terre et d'autres nous avons noyés. Et cependant, Allah ne fait pas du tort, mais ils font du tort qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire les êtres humains. يقول كذلك شيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم التوبة إلى الله عز وجل. Il est obligé à toute personne, comme il dit شيخ عبد العزيز, à toute personne musulman ou non musulman, de revenir vers Allah عز وجل, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawbatu ila Allah azza wa jal wa al-istiqamatu ala dinih, et le fait d'être droit dans sa religion. Na'am, wal hadharu min kulli ma naha anhu min ash-shirk wal ma'asi, et de s'éloigner de toutes sortes de péchés. Le plus grand, c'est le polythéisme, le grand et le petit, les innovations et les grands péchés. Hatta tahsul lahum al-afiyah wan najatu fi ad-dunya wal akhirah min jami' ash-shurur. Et en abandonnant les péchés, Allah Azza wa Jal, il sauvera ses serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà de tout mal. Wa kama qala rabbuna jalla wa ala, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard, walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Et Allah Azza wa Jal, il dit d'après le sens, et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, ils avaient cru et ils étaient pieux, chouf, deux conditions, la croyance en Allah Azza wa Jal, puis la piété. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé, yani, des barakats, c'est-à-dire des bénédictions, le bien-être, na'am, des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous avons donc saisi de ce qu'ils ont acquis, pour ce qu'ils avaient acquis. نعم عباد الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد يأذن الله جل وعلا للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله والندم إلى آخر كلامه رحمه الله ابن القيم. Notre grand savant ابن القيم qui dit, parfois Allah Azza wa Jal, il autorise la terre à respirer. Parfois Allah Azza wa Jal, il autorise la terre à respirer. Et ce qui provoque cela, ça va provoquer des secousses. Na'am, celle-ci inspire aux serviteurs la peur. Quand il y a des secousses, les gens ils vont avoir peur. Celle-ci inspire aux serviteurs de la peur. de l'appréhension, le retour vers Allah Azza wa Jal, l'abandon du péché et de l'humilité envers Allah Azza wa Jal et le regret. Car mes frères, comme vous savez, quand les gens ils ont des problèmes, ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Quand les gens ils ont des malheurs et des problèmes, ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Alors que tu dois adorer Allah Azza wa Jal quand dans l'aisance et dans les difficultés. Adore Allah Azza wa Jal dans l'aisance, tu le trouveras dans la difficulté. Na'am ibadallah. Et t'as des gens quand arrive des malheurs, c'est là que yani ça les réveille. Na'am ibadallah. Wa kama qala ba'd as-salaf aw az-zalazil 'itab min Allah Azza wa Jal li'ibadih. Comme قال بعض السلف وقد زلزلت الارض ان ربكم يستعتبكم فاعتبوه بترك الذنوب والتوبه النصوحه الزلازل مفخخ يعني الله عز وجل quand il fait ces épreuves là c'est pour prendre soin de nous pour nous purifier de nos péchés faut abandonner mes frères abandonnez donc les péchés et revenez vers Allah عز وجل والزلازل اختبار للعباد يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يختبر عباده بالخوف والزلازل ليميز الخبيث من الطيب الله عز وجل comme il dit الحافظ ابن كثير رحمه الله il éprouve les serviteurs il les éprouve par des malheurs et des calamités il les éprouve il les teste pour les mettre en évidence il dit رحمه الله pour différencier le pur de l'impur pour différencier le véridique du menteur الزلازل عباد الله مدمرة مروعة يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوشك ألا تجد بيوتا تكنكم أي تستقرون فيها تكنكم أي تستقرون فيها تهلكها الرواجف نعم عباد الله les tremblements de terre c'est une terreur mes frères quand ça arrive c'est de la terreur c'est la frayeur elle détruit tout Na'am ibadallah. Elle peut abandonner même ta maison, tes demeures. Yani, le tremblement de terre détruit tout, comme vous savez. Na'am ibadallah. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru. Innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله تعالوا معي مرة أخرى لنقضي هذه اللحظات المباركة عباد الله الزلزلة زلزلة الأرض عبرة وموعظة وآية من الله عز وجل لعباده منذرة مفخخ إسخ Les tremblements de terre, c'est un enseignement. On en tire des leçons et c'est une mise en garde. On en tire des leçons, on doit en tirer des leçons et c'est une mise en garde, ni'am ibadallah, contre ses serviteurs. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما زلزلت الأرض في المدينة. Une fois عمر بن الخطاب, il était à Médine et là il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il a dit? وقد زلزلت المدينة لأن عادت يقول لئن عادت يعني إذا تعاود زلزال آخر لئن عادت لا أساكنكم فيها لا أساكنكم فيها سبحان الله عمر بن الخطاب يوين تخملمان أمجين il a dit si ça recommence encore une fois je n'habiterai plus dans cette ville là je déménage pourquoi parce qu'il a vu que c'est des péchés pourquoi il y a ça à cause des péchés le ma'asi et ainsi de suite il a dit لا أساكنكم يعني فيها il a dit je n'habiterai pas Dans cette ville, s'il y a un tremblement de terre, encore une fois. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الزلازل من الآيات التي يخوف الله به عباده كما يخوفهم بالكسف أو الخسف وغير ذلك من الآيات والحوادث لها أسباب وحكم. يجي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Les tremblements de terre sont des signes parmi les signes d'Allah عز وجل afin de faire peur les serviteurs, afin qu'ils reviennent vers Allah, afin de les faire peur, na'am, comme il les fait peur quand il y a le khusuf, ou le kusuf, l'éclipse solaire ou lunaire, quand il y a une éclipse, na'am, tout ça, c'est parmi les signes d'Allah, Azza wa Jal, et al-hawadith, les catastrophes qu'il y a, na'am, tout ça, il y a des causes, asbab, na'am, wa hikam, et des sagesses qu'Allah, Azza wa Jal, connaît. Ibad Allah, wa kathratu al-zalazil min ashrati al-sa'a, et la multitude, des tremblements de terre, c'est parmi les signes de la fin des temps. التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرتها في آخر الزمان. Que le prophète صلى الله عليه وآله وسلم nous a mentionné cela qui arrivera de multiplier, يعني que les tremblements de terre se multiplieront, يعني à l'avenir, في آخر الزمان, à la fin des temps. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل لا تقوم الساعة يقول صلى الله عليه وسلم حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل Le prophète صلى الله عليه وسلم dit l'heure n'arrivera pas jusqu'à que la science, elle disparaît. Jusqu'à que la science, elle disparaît et que les temps se rapprochent. Les semaines, les mois, ça se passe vite le temps. Que les temps se rapprochent et que les tremblements de terre se multiplieront. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله عز وجل غار الله جل وعلا في سمائه فقال جل وعلا للأرض تزلزل بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم قال أنس بن مالك لعائشة رضي الله عنها لما سمع هذا الكلام قال عقوبة لهم سؤال عقوبة لهم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا قال رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين موعظة للمؤمنين ونكالا وسخطا وعذابا للكافرين Et ils sont partis voir Anas ibn Malik qui posait des questions sur les tremblements de terre. Et Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, quand les gens, ils autoriseront l'adultère, et qui buveront à flot l'alcool, et qui s'adonnent aux musiques et aux chants, Allah azza wa jal, yani ghar, devient jaloux, subhanahu wa ta'ala. Il est jaloux, na'am, Allah azza wa jal a cet attribut-là. C'est pas une jalousie comme nous. Laïsa kamith li shay. C'est Allah azza wa jal est jaloux des serviteurs quand ils commettent des péchés. Et il demande à la terre de trembler. De trembler. S'ils font le repentir, Naam Allah, yani, leur enlève ce mal-là, ou sinon il y a tout qui s'effondre sur eux. Et Anas, radiallahu ta'ala anhu, qui dit à Aïcha, il dit, est-ce que c'est un châtiment d'Allah, azza wa jal? Et Aïcha, radiallahu anhu, qui répond, c'est une miséricorde, et une bénédiction, Naam, et un rappel, pour qui? Pour les croyants. Pour les croyants, c'est un khir, pour qu'ils reviennent vers Allah, azza wa jal. Pour qu'Allah il les pardonne de leurs péchés en revenant vers lui. Si tu reviens vers Allah, là, il te pardonne. Donc, elle est là la hikmah. Si tu reviens vers Allah, là, il te pardonne. Elle est là la sagesse. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est un châtiment pour les croyants. Là, pas pour les croyants. Par contre, il dit pour les kuffars, c'est un châtiment. Pour le kafir, c'est un châtiment. Parce qu'il n'a pas de croyance, il n'a rien. Même si tu lui fais tous les signes du monde, il dit c'est la nature, comme on va voir plus tard. Na'am ibadallah. Wa yustahabu ibadallah. As-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Il est conseillé quand il y a ces choses-là de faire beaucoup d'aumônes aux pauvres et aux nécessiteux. Fa'an Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yaktubu ila umara'ihi 'inda wujud az-zalazil an yatasaddaqu. Omar ibn Abd al-Aziz c'était le calife. Quand il y avait des tremblements de terre, il écrivait à tous ses préfets, comme on va dire, l'Umara, yani les préfets, les gouverneurs de telle région, de toutes les régions, et il leur demandait de faire l'aumône, afin qu'Allah Azza wa Jal, yani, il châtie pas la communauté. Na'am ibadallah, wal ma'asi, sababun, les damar, wal halak, les péchés, mes frères, sont une cause de destruction. Na'am ibadallah. قال كعب الأحبر قال كعب الأحبر رضي الله تعالى عنه يقول إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها المعاصي. كعب رضي الله تعالى عنه un compagnon dit quand la terre elle tremble c'est parce que les gens ils ont commis des péchés dessus. قال ابن القيم رحمه الله ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركاتها. يعني ابن القيم il explique aussi cela, il rejoint كعب dans la vie. Il dit que les péchés sont une cause de tremblement de terre et que la barakat, la bénédiction, elle se retire. يقول الشيخ صالح بن العثيمين رحمه الله الناس الآن يسمعون بالزلازل. Aujourd'hui, les gens ils entendent les tremblements de terre. Il dit ابن العثيمين ولكنهم لا يرونها أنها غضب من الله. Il dit ابن العثيمين رحمه الله mais ils disent pas que c'est un châtiment d'Allah. Il dit c'est la nature. C'est la nature. Ceux qui disent c'est la nature, c'est les athées et tout ça, pour pas revenir vers Allah Azzawajal. En disant At-tabi'a, c'est la nature. C'est pour pas, yani, ils rejettent la croyance en Allah Azzawajal. Donc, ils se reposent sur la nature. Yaqul, walakinnahum la yarawnaha annaha ghadabun min Allah Azzawajal. Ils ne voient pas que c'est un châtiment d'Allah. Walakin yarawna annaha amrun tabi'i. Ils disent c'est la nature. Yani, c'est la nature, amrun tabi'i. Yaqul, wa ka'annaha la shay. Comme si c'était rien. Un tremblement de terre, ça arrive. بيننا يقول رحمه الله بينما نحن صغار. Il dit qu'on était petits, Ibn al-Uthaymin. كنا إذا سمعنا أن الأرض زلزلت في مكان نرتجف نرعشو. يعني quand Ibn al-Uthaymin ils entendaient que la terre elle a tremblé dans un endroit, ils avaient peur. Ils tremblaient, ils disaient نرتجف ونحن في بيوتنا آمنون. Il dit alors qu'on était dans nos demeures en sécurité et on avait peur quand il y avait des tremblements de terre. هذا كل معقاب من الله عز وجل مفخر والله مفخر. Ça c'est un rappel pour tous les croyants, pour le musulman et le kafir, que cette terre là Allah عز وجل est capable de faire encore pire que ça. C'est rien ça, des petites secousses comme ça. إن الله على كل شيء قدير. Il est capable de nous engloutir tous d'une seule poignée en une seule seconde. Il nous fait tous disparaître كون فيكون et on disparaît complètement, la terre avec ses habitants. Mais tout ça c'est pour que le serviteur il revient vers Allah عز وجل. الواجب على المسلمين عند حدوث الزلازل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. Il est obligé de tout musulman et musulmane quand il y a ces choses-là, el kusuf, el khusuf, el zalazil, c'est de revenir vers qui? Vers Allah عز وجل, de se repentir, de se pardonner les uns les autres. ارحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء. Soyez clément envers les gens qu'il y a sur la terre. Allah عز وجل il sera clément envers vous. Pardonnez-vous ceux qui ont des dettes avec les gens ou ceux qui volent de l'argent aux gens, qui escroquent les musulmans. Comme aujourd'hui, enfin, rendez leur argent. Appelle-le, mon frère. Fadal, ton argent, je t'ai prêté 2000 euros, 3000 euros. Et allez, tiens ton argent, tiens ton dû. Et samahni, et tu demandes le pardon, pas tu lui donnes comme ça. C'est lui qui t'a rendu service. Au début, tu pleurais. Hein? Tu allais dans sa porte, s'il te plaît, donne-moi, prête-moi. Et quand il te donne l'argent, wallah, le musta'an, on entend dans notre communauté que ça. On lui prête, après salam alaikum, il change de numéro, il voit mon numéro de téléphone, il répond même plus. Quand tu l'appelles sur un numéro, il répond, chauffe. Alors qu'au début, il pleurait. Subhanallah, rends le dû aux gens. Rends ce haq que tu as pris aux gens. Demande pardon à Allah Azzawajal pour tes péchés que tu as entre toi et Allah Azzawajal. Et si tu as des péchés envers les gens, demande leur pardon. Et si tu leur as volé de l'argent, tu leur rends leur dû et tu lui demandes pardon en plus. Bah, yani, tu lui rends comme ça, barakallahu fikum. اللهم احينا على التوحيد والسنة اللهم احينا على التوحيد والسنة اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليهما وأمتنا عليهما وأمتنا عليهما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان. اللهم أرحم أموات المسلمين في تركيا. اللهم أرحم أموات المسلمين في سوريا. اللهم أرحمهم ووسع مدخلهم. اللهم أرحمهم اللهم أرحمهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر. الله